Exactly. Yeah. Yeah. Oh. Si je ne faisais pas du rap, yeah. Si je ne faisais pas du rap, où en serais-je aujourd'hui? Aurais-je été plus stable, aurais-je pu fonder une famille? Me regarderais-tu de travers au lieu de me sourire? Si je ne faisais pas du rap, écouterais-tu ce que j'ai à dire? Et si je ne faisais pas du rap, aurais-je peut-être eu plus de temps libre? Me trouverais-tu moins barbare lorsque je prends ou parle dans le micro? Aurais-je peut-être eu plus de chance de passer à la radio? Si je ne faisais pas du rap, de la pop à la Milo. Si je ne faisais pas du rap, ce serait peut-être jamais connu. Avant de passer le cap, y'aurait peut-être eu un titre trop nul. Si on ne faisait pas du rap, aurais-je changer ce qu'on pense l'un de l'autre. Ce serait-on croisé dans d'autres circonstances? Sans langue à l'écriture, hein, ce ne serait pas du rap, mon vieux, oublie. Mais toi, comment me verrais-tu si je te disais que ce que je fais, c'est pas du rap, en mieux, oublie. Faisons semblant que j'écris plus. Me dirais-tu, c'est cool ou l'autre, viens, juste rien. Serait-ce excellent ou pire que nous? Serais-tu content, triste et mûr? Tout dépendra de qui je suis pour toi. Le loup ou l'homme, le chien ou l'humain. Si je ne faisais pas du rap, je serais peut-être juste un mouton de plus, mec. Je marcherais peut-être au pas au lieu de montrer que tous on se mute, merde. Juste pour quelques liasses, ferais-je en plus grand des scandales. Puis une fois au bout de ma liane, deviendrais-je juste comme ces gens-là? Si je ne faisais pas du rap, me prendrais-tu autant la tête? Me dénigrerais-tu en me traitant d'analphabète? Mon image de voyou changerait-elle dans ton imaginaire? Si je ne faisais pas du rap, tes préjugés disparaîtraient-ils? Si je faisais pas du rap, je t'aurais peut-être pas dit, mec, tu sais, faudrait qu'on s'unisse tous. J'aurais peut-être mieux compris pourquoi d'un jour les shit et s'unissent pour. Tu pries pour que notre musique s'étouffe. J'essouffle le bouton replay de YouTube et c'est son passe. Moi je crois que sans cette psychotour et nos connaissances, je reste sans bagage. Mais c'est pas parce qu'on écrit beaucoup qu'on est forcément des grands bavards. Je ne mettrai pas tes trucs au cou, car gars, il n'est pas très pur ton art. Et je ne te chercherai pas des coups, car gars, je me battrai juste sans au mal. Sans l'écriture, hein, ce ne serait pas du rap, mon vieux, oublie. Mais toi, comment me verrais-tu si je te disais que ce que je fais, c'est pas du rap, en mieux, oublie. Faisons semblant que j'écris plus. Me dirais-tu, c'est cool ou l'autre, viens, juste rien. Serait-ce excellent ou pire que nous? Serais-tu content, triste et mûr? Tout dépendra de qui je suis pour toi. Le loup, l'homme, le chien ou l'humain. Et si je ne faisais pas du rap, je ne manquerais peut-être pas autant de rendez-vous. C'est vrai qu'on ne se voit pas souvent, mais au moins m'entendez-vous. Quand je dis que sans ce rap, je serais peut-être pas le même pote. Je serais peut-être juste un mec qui gratte et qui s'embarque, les liens se forgent. Et c'est pour ça que je fais du rap, et je ne crois pas que les miens se forcent à me suivre quand je m'éloigne, car c'est pas ça que je leur impose. Mon gars, y'a pas de mise en scène, ce sont pas des affaires de négoce. Même à des kilomètres, on s'aime, pour ça qu'on les appelle des proches.